mes yeux et dans ses rêves, elle parle d'elle, elle ferme l'aile, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Thank you.